8 B 1 Moi, mon père me parle toujours en arabe, et mes grands-parents aussi. Ma mère, elle parle aussi en arabe avec mon père, mais avec moi, elle parle souvent en français. Ils sont tous les deux d'Alger. Je comprends tout, mais souvent je réponds en français. Et puis, je ne sais pas écrire l'arabe. Il n'y a pas de cours dans mon lycée. Je trouve ça dommage, mais à l'école, tout est en français. Ah, et puis ici, à Strasbourg, on peut apprendre un peu l'alsacien. C'est bien. Et puis ça aide pour connaître aussi l'allemand. Au lycée, j'apprends aussi l'anglais. Voilà. 2. Moi, dans ma famille, on parle français, mais aussi breton et polonais. Mon grand-père est breton, et avec lui, je parle en breton. Malheureusement, je ne sais pas l'écrire parce qu'à l'école publique, ce n'est pas possible. Avec mon père, je parle aussi en breton, mais il préfère me répondre en français. Ma maman, elle est d'origine polonaise, et on se parle polonais entre nous. Avec mes frères, ça dépend, mais généralement, on se parle en français, parce que c'est la langue de l'école. Mais je trouve ça génial, parce qu'on parle tous plusieurs langues. Au lycée, je fais anglais et espagnol. J'ai toujours de très bonnes notes. 3. Moi, je parle français et espagnol depuis toute petite, parce que dans ma famille, mon père est espagnol et ma mère est française. À l'école, tout est en français, mais mes parents m'ont inscrit au cours du soir de l'école espagnole. Comme ça, je sais aussi écrire dans les deux langues. C'est vraiment pratique et ça aide pour apprendre d'autres langues. Au lycée, je fais aussi anglais et italien. Eh bien, c'est plus facile pour moi.